Absolument. Donc, la je vais me présenter aussi alors. Agnès Maillot, je travaille à Dublin City University. Je suis maître de conf là-bas et je travaille aussi depuis des années sur le conflit nord-irlandais et plus particulièrement sur le Sinn Féin et l'IRA. Donc, ce que je me propose de présenter aujourd'hui, par contre, il n'y a pas d'image. Je vais faire une présentation générale sur l'IRA tout au long du conflit nord-irlandais, le rôle qu'elle a joué. Ce sera dans une première partie, mais pour aboutir après sur les questions qui restent en suspens dans le cadre du processus de paix et les polémiques qui continuent à faire surface régulièrement et qui entravent d'une certaine manière à la fois le progrès politique en Irlande du Nord et à la fois les progrès politiques du parti Sinn Féin. Alors, je pense que vous avez tous une connaissance, d'après ce que j'ai entendu, vous avez tous une connaissance suffisante du conflit pour pas que je rentre trop en détail dans la première partie, parce que je pense que ce qui nous intéresse, c'est davantage les développements les plus récents, surtout ces dernières années. Alors, je voudrais commencer d'abord par un assassinat qui a eu lieu en août 2015, un assassinat de un ancien membre de l'IRA qui a été assassiné en pleine rue devant chez lui par une bande d'hommes armés. Et évidemment, il y a eu une enquête préliminaire et le chef de la police nord-irlandaise a déclaré que l'IRA était impliquée dans cet assassinat. Il s'agissait de représailles par rapport à un autre assassinat qui avait eu lieu au mois de mai. Je ne rentre pas dans les détails parce que l'affaire est assez complexe, mais ce qui est intéressant, c'est que en quelques heures, le chef de la police irlandaise a déclaré que l'IRA avait joué un rôle, lequel il n'a pas spécifié. Et donc, ce que ça a généré, c'est un débat autour de l'IRA. Comment se fait-il que l'IRA existe encore ? L'IRA a déposé les armes en 2005, toutes ses armes. Elle a déclaré que la guerre était finie. Depuis, il y a eu un certain nombre de rapports, d'expertises sur, qui font un état des lieux sur les paramilitaires en Irlande du Nord. Or, il se trouve que depuis à peu près 2008-2009, ces rapports font état de l'existence d'un certain nombre de groupes paramilitaires, mais précisent que l'IRA n'est plus active. Donc, ce qui ressurgit là, c'est qu'en fait, bah, si, l'IRA existe encore. Alors, ça pose plusieurs questions. La première question, c'est comment se fait-il qu'on ne l'apprenne que maintenant ? Est-ce que les services de police sont défaillants au point de ne pas avoir vu cette situation venir. La deuxième question que ça pose, est-ce que la conclusion n'est pas un peu hâtive ? Sur quelle base se basent les conclusions du chef de la police ? Et la troisième question que ça pose, c'est est-ce qu'il faut s'étonner ? Après tout, c'est très récent. Le désarmement de l'IRA, le désarmement total de l'Iran et de l'IRA est récent, il date d'une dizaine d'années. Or, en Irlande du Nord, il y a non seulement une culture de la violence qui est encore très vivace, mais il y a aussi une culture de la violence paramilitaire. Donc, on peut poser la question, en tout cas, de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas été tous, peut-être, un peu naïfs d'imaginer que l'IRA pouvait disparaître aussi facilement. Enfin, en tout cas, que les hommes et les femmes qui ont constitué l'IRA pendant des décennies allaient comme ça disparaître de la scène politique. On a imaginé que les plus politiques avaient rejoint les rangs du parti Sinn Féin, que les plus radicaux ou les tenants de l'option militaire sont partis rejoindre les rangs d'organisations dissidentes. Visiblement, ça serait plus compliqué que ça. Donc, je vais... Alors, évidemment, ce que ça a créé, c'est une crise politique sans précédent, puisque immédiatement, en Irlande du Nord, il y a un gouvernement de coalition qui est dirigé par le leader unioniste Peter Robinson, qui est du parti le plus extrême des deux partis unionistes, et d'un autre côté, son vice-premier ministre est Martin McGuinness, qui est un des dirigeants du Sinn Féin. Donc, les révélations du chef de la police ont entraîné la démission de la quasi-totalité du cabinet nord-irlandais du côté unioniste, donc la suspension de facto des institutions, et une crise politique très grave. Les unionistes se disent très choqués des révélations sur l'IRA, et ils disent aussi qu'ils ne peuvent pas gouverner aux côtés d'un parti qui serait encore plus ou moins affilié à un groupe armé. Donc, je vais un peu revenir sur sur l'IRA. Qu'est-ce qu'elle a représenté, qu'est-ce qu'elle représente toujours aux yeux des unionistes, des républicains, pour remettre un petit peu tout ça en contexte. D'abord, en vous donnant quelques chiffres. Alors là, on a un tableau de la distribution des morts causées par les républicains, donc par tous les groupes paramilitaires républicains. L'IRA n'était pas les seuls, mais c'était les principaux. Et puis, en particulier... par entre donc 1969 et 1999, il y a eu un total de 3647 morts, je crois. Sur ces morts, il y en a à peu près deux tiers qui sont imputables à des groupes républicains. Et sur ces deux tiers, il y en a 83% qui ont été tués par l'IRA. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qui l'IRA a tué. Contrairement à ce qu'on va voir plus tard, contrairement à cette... objectif de ne cibler que le personnel militaire, le personnel politique, etc. L'IRA, en fait, tuait énormément de civils. À peu près un tiers, un peu moins d'un tiers des victimes de l'IRA sont des civils. Après, l'autre tiers, enfin un peu moins d'un tiers, c'est des membres de l'armée britannique. Et après, on a 271 RUC, Royal Ulster Constabulary, qui était la police nord-irlandaise jusqu'aux années 2000. 133 membres de l'IRA qui ont été tués au cours d'opérations, des explosions prématurées de leurs engins explosifs, etc. Et enfin, 183 membres de la force de réserve de police. Donc, ce qu'on voit, c'est que les civils constituent une grosse partie des victimes de l'IRA, presque un tiers. Après, l'autre statistique qui est intéressante, c'est le profil. Alors, en Irlande, on a encore tendance, pour le meilleur et pour le pire, à séparer la population en deux catégories, catholiques et protestants. Et si on regarde l'affiliation des victimes de l'IRA, on s'aperçoit qu'il y en a deux fois plus chez les protestants. Alors, ça peut sembler naturel dans le sens où l'IRA est originaire de la communauté nationaliste et catholique. On peut quand même poser la question de savoir si un tel taux disproportionné de victimes parmi les protestants, on ne pourrait pas y voir un petit penchant sectaire de la part de l'IRA, c'est-à-dire viser en partie, en tout cas, les protestants du fait de leur religion. Et puis, il y a 573 autres, c'est-à-dire ce sont des victimes dont la religion n'est pas déclarée, soit qui ont été tuées en dehors du territoire nord-irlandais, donc qui ne rentrent pas dans ce décompte sectaire catholique-protestant. J'insiste pas sur les autres chiffres, mais pour vous donner juste une vision d'ensemble, on peut voir que en tout, il y a eu 3637 morts en Irlande du Nord sur les 30 années qu'a duré le conflit. Et quand on regarde, on voit aussi que ce sont les catholiques, les civils qui constituent la majorité, l'énorme majorité des victimes, puisqu'ils sont plus de 2000 à avoir été tués au cours de ces années, dont les catholiques avec 1233 victimes. Alors, l'IRA, c'est l'image qui est restée de l'IRA reste encore relativement... Il y a un énorme clivage dans la société irlandaise, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Il y a ceux qui continuent à maintenir que l'IRA est un groupe, a été et continue à être, s'il existe encore, un groupe terroriste. Ce groupe terroriste s'est attaqué à des victimes de façon aveugle tout au long des années qu'a duré le conflit, surtout dans les années 70, qui est la période la plus violente, avec des attentats à la voiture piégée, des attentats dans les lieux publics, comme par exemple la photo que vous voyez là, c'est l'attentat de Bloody Friday en 72. où l'IRA a fait exploser un certain nombre de bombes un peu partout à Belfast, a fait 9 morts, 130 blessés. Enniskillen, qu'est-ce que vous voyez en dessous, qui est une bombe qui a explosé sous un monument aux morts dans la ville d'Enniskillen et qui a tué 11 personnes. Birmingham, qui est une bombe qui a explosé dans un pub dans la ville de Birmingham, qui est certainement l'incident, l'attentat le plus meurtrier de l'IRA, avec 21 morts et 162 blessés. Warrington, deux enfants sont morts à Warrington dans un centre commercial. Donc, l'IRA a souvent justifié ses opérations militaires en prétendant qu'elle ne s'attaquait qu'à des cibles de guerre, c'est-à-dire des cibles militaires, des cibles policières, etc. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'un centre commercial, un dépôt de bus ou un pub, ce n'est pas, non seulement ce n'est pas une cible militaire, mais en plus, les risques pour les civils sont absolument énormes. Donc l'IRA disait toujours qu'ils prenaient des risques calculés, qu'ils avertissaient les forces de police avant l'opération et que c'était les forces de police qui ne faisaient pas leur travail. Le débat reste très, très ouvert et très polémique en tout cas. Un certain nombre d'assassinats politiques, comme l'assassinat du cousin de la reine en 1979, Lord Mountbatten, et l'assassinat de Brighton en 1985 qui visait Margaret Thatcher, mais elle est sortie indemne de l'attentat, qui a fait 5 morts. Enfin, un certain nombre d'assassinats sectaires, par exemple entre 1975 et 1976, 92 protestants tués. Donc ça relance la question de savoir si l'IRA pourrait être accusée, et il y a un certain nombre de chercheurs qui se penchent sur la question de savoir si, oui ou non, l'IRA a volontairement ou non, mais en tout cas a pratiqué l'assassinat sectaire, c'est-à-dire l'assassinat qui ne visait que des protestants. Comment l'IRA a justifié ses actions pendant ces années? Et ça, c'est très important parce que ces justifications-là continuent à avoir un certain écho parmi la population nord-irlandaise en particulier, et dans une certaine mesure en République aussi. Alors d'une part, la justification historique, vous voyez qu'il y a des parallèles qui sont faits constamment entre l'insurrection de 1916, que l'on célèbre l'année prochaine en Irlande en grande pompe, puisque c'est une célébration nationale, on célèbre les héros, etc., pendant des années, et l'IRA continue pendant des années à justifier sa lutte armée au nom de l'histoire, au nom des héros, des martyrs nationaux, et au nom aussi de l'efficacité de la méthode, puisqu'elle a payé en retour, puisque l'Irlande a obtenu à la suite de 1916 son indépendance pour une partie du territoire du moins. Après, il y a tout un argumentaire autour de l'injustice. Donc ce qu'on voit ici, c'est... une affiche qui était placardée un petit peu partout en Irlande du Nord dans les années 80 autour de la thématique des balles en caoutchouc qu'utilisait l'armée britannique pour disperser des foules lors de manifestations et qui tuaient, qui ont blessé un certain nombre de gens et qui ont tué aussi un certain nombre de gens, surtout des enfants. Là, on voit les affiches qui avaient été publiées au moment de l'internement sans jugement qui a été introduit en 1971 et dont les catholiques, les nationalistes, avaient été les principales cibles, puisque à peu près 90% des hommes et femmes qui ont été détenus sur toute la période qui a duré l'internement étaient des catholiques. Donc, c'est un argumentaire qui est très développé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont très peu développé l'argument économique, c'est-à-dire les privations économiques. Quand on lit des témoignages d'anciens membres de l'IRA, c'est pas ce qui les motive au moment de rejoindre les rangs de l'IRA au début des années 70. Ils ne rejoignent pas les rangs de l'IRA pour lutter contre les privations économiques, contre l'injustice sociale, etc. C'est beaucoup plus profond. Il y a un sens de fierté nationale, une espèce de volonté de lutter contre l'humiliation qui réelle ou perçue, mais que leur communauté a subie aux mains des Britanniques pendant des siècles, etc. Mais l'argument économique est très très peu développé jusqu'à récemment. Elle se considère comme l'armée du peuple, donc c'est une armée populaire, c'est l'armée d'un peuple insurrectionnel, surtout au début des années 70, qu'elle défend en partie, et puis après, dont elle s'arroge le droit aussi de contrôler. Elle contrôle cette communauté, dans certains quartiers en tout cas, comme on va le voir par la suite. Donc il y a toute cette le mythe d'une armée, du peuple qui agit pour le bien du peuple. Bon, ce qu'on va voir après, c'est que ça pose un certain nombre de questions. Mais en tout cas, elle se pose, l'IRA se pose, et la propagande qui est développée dans les années 70 et 80 tourne autour de cette idée d'oppression et de peuple insurrectionnel qui va se soulever contre l'oppression britannique. Et puis évidemment, il y a la résistance aux Britanniques qui se justifie en soi. L'argument n'a pas besoin d'être développé selon l'IRA, puisque la simple présence britannique en Irlande du Nord, qu'elle soit militaire ou politique, justifie une résistance quelle qu'elle soit, et particulièrement une résistance armée. Alors, quand on parle de l'IRA, on parle en fait d'une armée qui s'adapte, enfin d'une armée. Quand je dis armée, c'est pas pour asseoir la légitimité, c'est pour simplifier le dialogue, mais c'est évidemment pas considérée comme une armée, puisqu'elle n'est pas légitime, c'est pas l'armée d'un gouvernement légitime. Mais pour la phase armée de l'IRA dure de 1969 à 1994, puis une rechute en 96 jusqu'en 97. Disons qu'il y a quatre grandes phases, et ce qu'on constate, c'est que c'est un groupe qui évolue, qui s'adapte, parce que les conditions sur le terrain change constamment, que l'armée britannique, elle, va s'adapter très très rapidement aussi, et donc que l'IRA est capable de répondre à des conditions en évolution constante sur le terrain, à des politiques antiterroristes de la part de l'armée britannique qui sont de plus en plus pointues et qui sont de plus en plus efficaces. Donc là, ce qu'on voit, c'est la première phase, la phase de l'offensive qui dure du début des années 70 jusqu'environ 1976-77, enfin disons 75, on va arrêter en 75. Là, ce que vous voyez, c'est un volontaire de l'IRA, il s'auto-proclame volontaire, parce que c'est une armée de volontaires, enfin de recrues qui y vont spontanément. Et il est en train d'arrêter, de faire des contrôles d'identité. Donc, ce qu'on constate au début des années 70, c'est que l'IRA se substitue aux forces de l'ordre dans certains quartiers et se pose non seulement en défenseur du peuple, mais contrôle ces quartiers, ce qui lui assure un soutien, ce qui lui assure toute une infrastructure qui lui permet de survivre, de planifier ses opérations, de fonctionner. Et alors, c'est au cours de cette première phase, les recrues de l'IRA sont très jeunes, ils sont très nombreux, et il y a une espèce de sentiment un peu exalté de la part des recrues qui ne sont pas forcément très politisées. Donc c'est une armée qui, dans les premiers temps en tout cas, tâtonne un peu. Très vite, ils savent comment frapper, et frapper dur, puisque c'est dans ces années-là qu'auront lieu un certain nombre des attentats les pires, mais politiquement, ça reste encore très, très, très volatile. Il n'y a pas vraiment de direction politique. C'est une phase assez euphorique où, en tout cas jusqu'en 1978, l'IRA est quasiment persuadée qu'elle va mettre les Britanniques à genoux et qu'elle va enfin débarrasser l'Irlande de la présence britannique. Donc c'est une phase très optimiste qui dure jusqu'à à peu près 1974, où une fois que les institutions nord-irlandaises ont été remplacées par l'administration directe de Londres, l'IRA est persuadée que la fin est proche. Et en fait, il n'en sera rien, évidemment. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase que l'on appelle celle de la longue guerre, qui commence à partir de 1976, quand de part et d'autre, du côté britannique et du côté de l'IRA, il y a une reconnaissance mutuelle, sans qu'ils se le manifestent, qu'aucun des deux côtés ne va gagner, qu'il n'y aura pas de victoire, ni d'une part, ni de l'autre. Alors, ça se fait de façon officieuse et personne ne déclare ça de façon ouverte. Mais l'IRA, en tout cas, prend conscience à partir de 1976 que ça va être une guerre très longue, une guerre d'usure. S'ils réussissent à sortir de ce conflit, ça sera l'usure, ça ne sera pas une victoire militaire. Ils sont conscients que l'armée britannique est bien implantée en Irlande du Nord et qu'il y a, au plus fort du conflit, il y a à peu près 22 000 soldats en Irlande du Nord, pour une population à l'époque de 1,5 million, 1,6 million personnes. Donc il n'y a aucune chance que l'IRA vienne à bout d'une armée de 22 000 soldats qui sont autrement mieux équipés, mieux formés, etc., que eux. Par contre, ils vont continuer. La stratégie, c'est celle de la longue guerre, c'est des opérations beaucoup plus ciblées, mais qui vont continuer à créer un certain chaos en Irlande du Nord et en Grande-Bretagne aussi. En 1977, le chef d'état-major de l'IRA est arrêté, et sur lui, on découvre un document qui a une valeur précieuse. C'est le petit livre vert, l'équivalent du petit livre rouge, où je crois que le livre vert de Kadhafi avait un livre vert aussi, je crois. Et là, il y a que la communisme. Exactement. Alors, vert, on comprend pourquoi, en ce qui concerne évidemment l'IRA. The Green Book, qui est en fait un manuel à l'attention des nouvelles recrues de l'IRA qui datent des années 50, quand l'IRA avait déjà entrepris une campagne armée en Irlande du Nord, mais qui est remis à jour. Et c'est un manuel qui est très intéressant à lire. Il est disponible sur Internet, et qui, au moment où le chef d'état-major est arrêté, les forces de police se saisissent du manuel, et donc ce qui devait rester secret devient public. Et donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux changements, il y a énormément de changements qui sont en train de s'opérer au sein de l'IRA, mais il y en a deux qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est que l'IRA va être entièrement restructuré, donc ça devient une armée beaucoup plus secrète, beaucoup plus hiérarchisée et beaucoup plus limitée en termes du nombre de membres qu'elle cherche à recruter, et qu'elle va cibler ces opérations qui vont diminuer en intensité, enfin en nombre en tout cas, mais qu'elle va non seulement continuer cette lutte, mais pour pouvoir se préparer à une lutte qui risque de durer encore 20 ans, elle ne peut plus maintenir le niveau d'opération qu'elle a maintenu au début des années 70. Donc il y a vraiment un changement de cap à ce moment-là. Changement de cap qui est dû aussi au fait que l'IRA, à l'époque, est infiltrée par les services secrets britanniques, un petit peu irlandais, mais à un point tel que son existence est bien plus menacée par le nombre d'infiltrations d'agents secrets, de toutes sortes d'opérations qui ont lieu pour obtenir des informations sur l'IRA. Elle est beaucoup plus vulnérable à ça que aux opérations, à la guerre qu'elle livre dans la rue à l'armée britannique. Ce qui pourrait éventuellement mettre un terme à l'IRA, c'est le nombre de mouchards qu'il y a à l'intérieur de l'IRA et qui sont en mesure de donner des informations à la police qui mènent à un certain nombre d'arrestations, etc. L'IRA en est consciente et donc décide de trouver une structure qui empêche cette ouverture au public qu'elle a eue pendant tant de temps et cette espèce de porosité qu'elle a pendant des années. Et puis, il y a un changement de stratégie, il y a une prise de conscience que la lutte armée ne va peut-être pas suffire. Que ce qu'on fait après, que ce qu'on fait pendant, comment est-ce qu'on occupe le terrain, puisque le terrain va être moins occupé d'un point de vue militaire, qu'est-ce qui va remplacer, enfin, ou en tout cas combler ce vide qui va être laissé par le chaos qui est entretenu pendant les débuts des années 70 par la lutte armée. Évidemment, À l'époque, il y a aussi la publication par le gouvernement britannique, par les services secrets britanniques, d'un rapport qui est censé rester secret, donc qui est uniquement à usage interne, et qui s'appelle Northern Ireland Future Terrorist Trends. Et ce rapport est saisi par l'IRA, donc un énorme coup de propagande, qui le publie dans les colonnes de son journal. Et là, ce qu'on apprend, c'est que les Britanniques, contrairement à ce qu'ils disent publiquement, admettent qu'il n'y aura pas de victoire militaire, mais qu'en plus, et ça, ça vient un très mauvais moment pour les Britanniques, que l'IRA continue à recruter un certain nombre de volontaires, qu'elle continuera à le faire tant qu'il y aura une présence britannique en Irlande du Nord, et que les motivations de ces nouvelles recrues sont avant tout politiques. Donc ça va contre l'image que veut donner le gouvernement britannique de l'IRA, celle d'une association criminelle, mafieuse, etc. Donc on a de part et d'autre, à partir de 1976, on se prépare à une guerre qui va durer longtemps, effectivement, qui durera encore une vingtaine d'années. La troisième phase, c'est la phase de la politisation. Donc c'est évidemment une phase qui commence avec le mouvement des prisonniers dans les prisons, qui mènera aux grèves de la faim de 1981, avec la mort de 10 prisonniers en grève de la faim, dont bien évidemment Bobby Sands, mais 9 autres prisonniers qui meurent d'une grève de la faim aussi. Et c'est le début d'une mobilisation de masse, comme l'Irlande, des deux côtés de la frontière, n'en avait pas connu depuis le mouvement des droits civiques. Et ça, c'est un éveil pour les républicains, pour l'IRA et pour le Sinn Féin, qui tout d'un coup s'aperçoivent de la puissance que peut avoir un mouvement de masse, de la portée que ça peut avoir, et surtout des avantages qu'on peut tirer d'un mouvement de soutien tel que celui qui s'est développé au cours des grèves de la faim. Et donc c'est le début en fait d'une prise de conscience de l'importance de la politique. Le militaire ne suffira pas, il nous faut gagner le combat politique. Donc il faut le définir dans des termes un peu plus clairs que ça n'a été fait jusqu'à présent. Et puis il faut trouver une stratégie. Alors la stratégie qui est trouvée, c'est celle du fusil et du bulletin de vote, c'est-à-dire une stratégie parallèle où d'un côté le parti politique Sinn Féin va s'engager dans des campagnes électorales, va faire élire si possible ses représentants, ses candidats, ce qui va asseoir sa légitimité politique, et d'un autre côté l'IRA continuera à faire pression en faisant ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire des attentats. Donc c'est une approche duelle qui est mise en place dès 1981 et qui, une fois de plus, permet en tout cas de redonner un certain optimisme dans la finalité du combat, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va gagner la guerre, et en même temps qui va permettre... sans désavouer l'IRA, parce qu'il ne faut surtout pas mettre en danger la relation, l'équilibre entre le politique et le militaire, mais sans désavouer l'IRA, de commencer à développer une approche un peu plus politique de la lutte. C'est l'entrée en scène du Sinn Féin, qui présente des candidats, qui s'aperçoit très vite qu'il a un soutien, mais ce soutien, on va le voir, il plafonne assez vite aussi, parce que cette contradiction entre le bulletin de vote et le fusil, elle devient apparente assez vite. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, aux électeurs potentiels, à la fois de soutenir la violence politique et de soutenir la voie démocratique. Or, les deux ne sont pas toujours, ne cohabitent pas toujours très bien. Donc, le vote du Sinn Féin est tout de suite assez élevé, il se situe en Irlande du Nord autour de 10%, mais il n'augmente pas beaucoup pendant ces années-là. Donc, même si au début c'est l'euphorie, puisqu'ils obtiennent 10% des voix et à peu près 40% dans la communauté nationaliste, ils vont s'apercevoir assez vite que ce n'est pas avec ça qu'ils vont remporter la phase finale de la guerre. Donc, il faut trouver une autre stratégie. Donc, c'est dans ça aussi qu'on voit à quel point il y a une capacité d'adaptation du Sinn Féin et de l'IRA à des circonstances qui sont en mutation constante. C'est donc le début d'un processus de paix qui, pour certains, prend racine dans les grèves de la faim de 1981, puisqu'il politise le mouvement républicain. Pour d'autres, doit beaucoup à l'accord anglo-irlandais qui est signé entre la Grande-Bretagne et l'Irlande en 1985, parce que c'est la première fois qu'en fait la Grande-Bretagne tient tête aux unionistes. Or, les unionistes refusent depuis toujours l'éventualité d'un partage du pouvoir avec les nationalistes, et surtout, ce qu'ils refusent, c'est de donner un droit de regard à l'Irlande, à la République d'Irlande, sur l'Irlande du Nord. Et la Grande-Bretagne, qui est à l'époque dirigée par Margaret Thatcher, dit aux unionistes, tant pis. Et elle tient tête aux unionistes qui organisent des mouvements de protestation énormes, mais la Grande-Bretagne ne cède pas. Et c'est la première fois. Et il semblerait que ça va éveiller chez les républicains un questionnement autour de la Grande-Bretagne. C'est la première fois que les républicains se disent « on peut peut-être négocier avec les Britanniques ». Ils ne tiendront pas forcément compte systématiquement de l'opposition unioniste. Il y a un changement dans l'attitude britannique qui nous permet, nous, éventuellement d'amorcer ce changement-là aussi. Donc il y a un processus qui se met en place avec des négociations entre les leaders des deux partis politiques du camp nationaliste, John Hume et Gerry Adams, pour le SDLP et le Sinn Féin respectivement. On voit à ce moment-là le Sinn Féin qui devient de plus en plus professionnel, donc qui devient, qui se crée une image d'un parti politique respectable, très pointu sur certaines questions, et surtout très en vue, j'irais presque jusqu'à dire très à la mode. Ils sont partout, on les voit absolument partout. Ils ont une stratégie de communication que tous les autres partis des deux côtés de l'île leur envient, parce qu'ils sont très efficaces dans leur communication. Et ils commencent à se présenter comme les tenants de la paix. Ce qui peut surprendre, étant donné que l'IRA continue parallèlement à poursuivre ses opérations militaires. Mais le Sinn Féin se dit avoir une stratégie de la paix. La stratégie, c'est des négociations. Elle n'est pas encore tout à fait clarifiée à la fin des années 80. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'immense changement qui s'opère au sein du Sinn Féin et donc de l'IRA, c'est qu'ils acceptent le principe de consentement. C'est-à-dire que rien ne se fera par la force. Le statut de l'Irlande du Nord ne peut se modifier que si les unionistes y consentent. Donc ils acceptent ce principe, en théorie en tout cas. Ils se font forts, eux, de convaincre les unionistes que ça serait une bonne idée qu'ils consentent à la réunification. Mais en tout cas, ils sont prêts à négocier, une sortie de la crise, qui pour les républicains, l'objectif reste la réunification, mais en tout cas qui tiennent compte de l'opinion unioniste et qui ne soit pas imposée par la force, ni par les Britanniques, ni par les Irlandais, ni évidemment par l'IRA. On a évidemment un contexte très favorable, puisque au niveau international, ça correspond à l'élection de Clinton à la Maison Blanche, et Clinton a fait du processus en Irlande du Nord, il en a fait une de ses priorités. Il s'est engagé à venir en aide autant qu'il le pourra, non seulement aux deux gouvernements, mais aux partis politiques sur place, pour essayer de trouver une issue au conflit. Et le gouvernement américain va jouer un rôle essentiel tout au long des négociations. Il y a le célèbre axe Londres-Dublin, qui a été rendu possible par l'accord anglo-irlandais. Donc il y a un dialogue qui s'est noué entre entre Londres et Dublin. Et puis il y a enfin ce qu'on a appelé, surtout les unionistes, appellent le front pan-nationaliste, c'est-à-dire une espèce de coalition de tous les intérêts nationalistes, qu'ils soient en Irlande du Nord, représentés par le Sinn Féin et le SDLP, et la République d'Irlande et les États-Unis, qui seraient tous ligués contre les unionistes. Alors, la théorie ne tient pas vraiment la route. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part du gouvernement irlandais et des États-Unis de faire en sorte d'inclure le Sinn Féin dans tout processus de négociation, et qu'ils vont user de toute leur influence pour rendre ça possible. Et évidemment, pour rendre ça possible, il faut un cessez-le-feu de l'Irak. Donc, le cessez-le-feu de l'Iran intervient en 1994, les années qui suivent sont des années un petit peu chaotiques, dans le sens où elle va reprendre ses activités pour finalement redéclarer un cessez-le-feu. Mais en tout cas, le cessez-le-feu de l'Iran permet, ouvre la porte à des négociations qui aboutissent sur l'accord du Vendredi Saint. En 1998. Alors, l'accord du Vendredi Saint, c'est un accord qui a été considéré comme un accord historique, c'est un accord qui a été émulé dans d'autres situations de conflit, parce qu'il, en fait, il fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il réconcilie des positions qui sont, a priori, irréconciliables. C'est-à-dire que, d'un côté, ceux qui participent aux négociations acceptent d'un côté ils acceptent le fait que l'Irlande du Nord continuera à fonctionner dans le cadre du Royaume-Uni, et d'un autre côté ils acceptent aussi qu'il peut y avoir une réunification. Donc ces deux positions qui sont contradictoires et qui sont toutes les deux qui cohabitent dans cet accord qui en fait ménage un petit peu la chèvre et le chou. C'est un peu les limites de l'accord aussi, c'est qu'on s'aperçoit que quand on rentre un petit peu dans les détails, c'est bien plus compliqué que ça. Mais l'accord, en tout cas, il a permis une sortie à ce conflit. En ce qui concerne l'IRA, évidemment, elle n'est pas signataire de l'accord. En fait, c'est un accord qui n'est signé que par les gouvernements et donc c'est un accord international, c'est un traité international entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Les partis politiques ne sont pas signataires à proprement parler de l'accord, mais par contre ils sont parties prenantes. Et ils se sont tous engagés à œuvrer en faveur du désarmement de tous les groupes paramilitaires, et en particulier de l'IRA. Pour qu'il y ait une paix stable et durable, il ne faut plus de paramilitaires. Et en tout cas, il ne faut plus de groupes armés, parce qu'on aurait une paix armée, et ça ne serait pas une bonne idée. Donc, l'accord du Vendredi Saint va à la fois consolider le processus de paix, et à la fois, il va ouvrir une polémique qui va durer, qui a déjà commencé quelques années auparavant, mais qui va durer et qui va pratiquement monopoliser le débat politique jusqu'en 2005, c'est la polémique autour du désarmement. L'IRA déclare en 1998, après la signature de l'accord, « Nous ne désarmerons pas ». Donc elle rend sa position très claire. Elle l'a dit avant, elle le répète après. Alors pourquoi ? D'une part parce que ça serait un acte de reddition, et que ça, c'est pas envisageable de la part de l'IRA, qui se dit une armée invaincue, c'est-à-dire elle s'est engagée dans un processus de paix non pas parce qu'elle était vaincue, mais parce que elle était suffisamment forte pour transformer sa stratégie et pour aboutir à autre chose. Donc il n'y a pas de reddition, il n'y a pas d'humiliation, et le fait de rendre les armes serait une humiliation aux mains, aux yeux de l'IRA, et ça ne s'est jamais fait dans son histoire. Jamais elle n'a rendu ses armes. Elle les a enterrées, elle en a disposé, mais en tout cas, il n'y a jamais eu officiellement de désarmement de la part de l'IRA, qui va jusqu'à insister sur le fait que ça ne s'est fait dans aucun autre conflit armé. Dans aucun autre conflit armé, on a demandé au groupe armé de désarmer à la suite de la signature d'un accord de paix. Évidemment, du côté tant des gouvernements britanniques et irlandais, surtout que du côté unioniste, il y a une incompréhension totale, mais si vous avez signé un accord de paix, il faut désarmer. Si vous ne désarmez pas, ça veut dire que vos intentions démocratiques restent obscures, et par conséquent, on ne peut pas former de gouvernement avec un parti politique qui est associé à un groupe armé et qui peut utiliser les armes, le potentiel, comme outil de négociation. Donc, il y a une impasse autour de la question du désarmement qui dure plusieurs années. Et cette impasse, elle va être, on va pouvoir la dépasser d'une part parce que les gouvernements décident de mettre en place une commission qui va superviser le processus de désarmement, donc pour essayer de dépassionner un petit peu le débat autour du désarmement. Donc ils mettent en place cette commission, la commission internationale sur le désarmement. Et puis il y a surtout le Sinn Féin qui veut être au gouvernement, parce que ce sont les dirigeants du Sinn Féin, ils sont entrés en politique dans les années 70, ils ont réussi à naviguer pendant tout le processus de paix, à faire en sorte que l'IRA les suive sur la voie de la paix. Et maintenant, ils veulent y aller au gouvernement. Et or, il ne peut pas y avoir de gouvernement tant qu'il n'y a pas de désarmement. Et puis, de plus en plus, l'IRA devient un point mort. Même si l'IRA n'existe, elle continue à maintenir qu'elle n'est plus active, qu'elle n'utilise pas ses armes, etc. On découvre en août 2001, que trois hommes arrêtés en Colombie auraient en fait été envoyés en mission par l'IRA pour former les groupes armés révolutionnaires colombiens. Et ça met les États-Unis très très très très en colère, puisque à l'époque, les FARC, les groupes armés colombiens, sont considérés comme l'ennemi public numéro un. C'est avant le 11 septembre. Et donc, le fait que l'IRA se retrouve impliqué dans un scandale où, soi-disant, les trois hommes de l'IRA auraient été missionnés par le commandement de l'IRA pour aller former les hommes du FARC en échange de financement qui proviendrait du trafic de drogue. Donc tout ça, ça fait que l'administration américaine, elle est particulière, qui a beaucoup soutenu le processus de paix, qui a quand même beaucoup fait en sorte que ça puisse fonctionner, lance des avertissements aux dirigeants de Sinn Féin en leur disant « Là, c'est plus possible, il faut que vous puissiez nous montrer que vous êtes de bonne foi parce que plus personne ne vous croit. » Et en plus, entre-temps, il y a le 11 septembre qui, évidemment, fait complètement bousculer la philosophie et la rhétorique antiterroriste. Donc là, l'IRA n'a plus le choix et elle se met progressivement à désarmer, ce qu'elle va faire en plusieurs temps. Donc c'est un processus qui sera encore long et pénible, mais elle va finalement désarmer en 2005. Il me manque un... Je sais pas où elle est passée. Une photo où on voit... c'est peut-être après. Donc l'armée républicaine irlandaise, en 2005, n'a pas encore complètement désarmé. Par contre, il y a deux incidents qui vont encore plus entacher la réputation de l'IRA. La première, c'est le braquage de la banque The Northern Bank en décembre 2004, qui implique jusqu'à 30 hommes. C'est le braquage le plus important de l'histoire de la Grande-Bretagne. Ils partent avec 35 millions d'euros. Et donc, immédiatement, la police nord-irlandaise soupçonne l'IRA, parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a que l'IRA qui a la structure suffisante et qui a la capacité pour organiser une opération d'une telle envergure. On commence à les bruits courts que ce serait une façon pour l'IRA d'obtenir de l'argent qui va payer les retraites de ses membres une fois qu'elle va mettre la clé sous la porte. Toujours est-il que immédiatement la machine politique du Sinn Féin se met en route et fait ce qu'elle fait très bien, c'est-à-dire elle dément. Elle dément les accusations, elle dément l'implication de l'IRA dans l'attaque. On voit ici Martin McGuinness, qui a été membre du gouvernement, donc qui est un ancien ministre, et qui déclare que lui, il a personnellement parlé à l'IRA, il leur a demandé, l'IRA lui a assuré qu'il ne l'était pas, et il est absolument persuadé que, enfin, il les croit sur parole. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que on a encore, en 2005, la séparation, en tout cas, entre le Sinn Féin et l'IRA, ce qui les sépare, c'est très ténu. En fait, ils sont encore très, très, très imbriqués l'un dans l'autre. Les leaders républicains ont du mal à se dissocier d'une opération quelconque de l'IRA, surtout celle-là qui est une opération d'envergure et pour laquelle, en tout cas, ils sont condamnés de toutes parts, parce que d'un côté, ils continuent à vouloir être au gouvernement, et d'un autre côté, le parti est financé par des opérations de nature pour le moins criminelle, si ce n'est plus. Après, Gerry Adams commence à changer un petit peu le ton en disant « l'IRA a dit que c'était pas eux, moi je les crois, mais j'ai peut-être tort ». Donc on voit qu'il y a une prise de distance progressive. Et puis après, il y a quand même un rapport de la commission qui est chargée de superviser les activités des paramilitaires et qui accuse directement le Sinn Féin d'avoir non pas pris part aux événements, mais en tout cas de les avoir sanctionnés, d'avoir été au courant. Donc on a une crise politique à nouveau qui est très grave et qui fait probablement réaliser aux dirigeants du Sinn Féin que l'IRA devient extrêmement encombrante. Leur progrès politique sera constamment limité par la présence de l'IRA. Et là, on voit une volonté naissante de la part des dirigeants du Sinn Féin de se débarrasser de l'IRA. Ça va leur permettre à eux de progresser politiquement sans être constamment obligés de revenir sur de condamner enfin de d'essayer de faire une espèce de prévention constante, de justifier des actions que eux-mêmes peut-être ne trouvent plus tellement justifiables, et de condamner les autorités parce qu'ils les accusent de faire de la propagande, etc. Ils sont pris à leur propre piège, et ce qui évidemment va asséner le coup final, c'est l'assassinat d'un homme en janvier 2005, dans un pub, un homme qui sort d'un pub, il y a eu une altercation dans le pub, cet homme d'une trentaine d'années est sorti manu militari par quelques hommes du pub, il est amené dans une arrière-cour qu'il y a derrière le pub, et puis il est tabassé à mort. Et en fait, ce sont des membres de l'IRA qui l'ont tabassé à mort, et qui ont insisté pour que personne n'aille témoigner. Ils ont supprimé toutes les traces qu'il pouvait y avoir de leur intervention, et en particulier, il y avait des caméras qui étaient dans le pub, donc ils ont supprimé toutes les bandes magnétiques qui pouvaient exister. Et l'histoire veut que quand la police a interrogé les gens qui étaient dans le pub et leur a demandé s'ils avaient vu quelque chose, ils étaient tous aux toilettes à ce moment-là. Donc, en fait, les hommes de l'IRA sont allés au pub et ont dit aux gens, si vous parlez, c'est à vos risques et périls. Donc, personne n'a rien dit, et ça posait des énormes questions en ce qui concerne l'impunité des paramilitaires, le contrôle qu'ils exerçaient encore. Et là, cette fois-ci, c'était très difficile pour le Sinn Féin de justifier cette opération, d'autant que les sœurs de cet homme ont commencé à organiser une campagne autour de l'impunité, demandant à l'IRA de rendre des comptes, demandant au Sinn Féin de forcer l'IRA à rendre des comptes. Donc il semble que là, il y ait eu une véritable une pression exercée par le Sinn Féin sur l'IRA, qui aboutit à la fin de la guerre, enfin telle qu'il l'appelle en tout cas. Alors là, vous voyez, c'est le jour c'est le journal des Républicains, Anne Faublard, La République. Et là, on voit, l'image est très intéressante, puisque c'est pour annoncer la fin de la guerre, on nous montre des soldats qui sont encore armés. Et qui sont encore en action. Donc là, il y a une petite contradiction entre le message et le message de la parole et celui de l'image. Et surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est l'IRA qui a déverrouillé la situation pour permettre à l'avenir d'être plus rayonnant. Donc là, on a quand même une ambivalence, et c'est là qu'on mesure à quel point cette culture de la violence et cette culture du paramilitaire et le mythe de l'IRA est très puissant, même après toutes tous les scandales qui ont eu lieu, en particulier dans les années 2000, ça reste quelque chose de très puissant, qui fait appel à une espèce de d'atavisme culturel par rapport à cette violence de l'IRA dans une section de la population, du moins. Donc, une fois que l'IRA quitte la scène en 2005, elle déclare que sa guerre est finie. C'est pas la fin des paramilitaires, évidemment, loin de là, puisqu'on assiste là à la multiplication des groupes que l'on appelle dissidents. Alors, les dissidents, le nom est mal trouvé, il n'est pas de moi, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Or, ils ne sont pas dissidents, parce qu'ils ne se sont pas écartés de l'orthodoxie nationaliste et républicaine, au contraire. Il la perpétue, puisqu'il continue à soutenir la lutte armée tant que les Britanniques n'auront pas quitté l'Irlande du Nord. Donc ils ne sont pas dissidents, on pourrait dire qu'ils sont ultra-républicains ou que c'est des néo-républicains. Enfin bon, ça fait un petit peu américain, donc ça ne marche pas non plus. En tout cas, c'est le terme générique qui est utilisé dans la presse pour désigner tous ces groupuscules qui se sont constitués au fil des ans depuis le cessez-le-feu de l'IRA en 1994. Et ce qu'on constate, c'est un phénomène de balkanisation de la famille républicaine. Alors là, ce que vous voyez, c'est toutes les organisations qui existent, qui sont soi-disant des dissidents républicains et qui doivent, en tout et pour tout, fédérer un millier de personnes. Donc, une famille, c'est très volatile, ils sont très vulnérables parce qu'ils sont tout petits, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, mais ça ne les rend pas moins efficaces et pas moins dangereux. Donc ce qu'on voit là, c'est des groupes qui ne sont pas tous armés, ce sont des groupes politiques, mais qui sont souvent alliés à des groupes armés. Leurs caractéristiques, c'est d'abord au niveau de leur raison d'être, enfin, ils se réclament d'une tradition qui est non seulement légitime d'un point de vue historique, mais qui est efficace, qui a prouvé son efficacité. Donc on pourrait dire que c'est un résidu d'une tradition historique qui reste encore présente en Irlande du Nord. On peut aussi dire que c'est le produit d'une situation actuelle. Donc les enfermer dans un passé révolu et ne parler de ces dissidents qu'en termes de une espèce de vieille garde qui serait un petit peu coincée dans le temps, etc., qui n'a pas su prendre en marche le train du progrès, etc., c'est un petit peu rapide, parce qu'ils sont aussi le produit d'une situation contemporaine en Irlande du Nord, c'est-à-dire que ils sont le reflet de tous ces gens en Irlande du Nord qui se sentent laissés pour compte par le processus de paix et par les nouvelles institutions, qui ne s'y retrouvent pas, et il y en a beaucoup. Il y en a suffisamment, en tout cas, pour expliquer l'existence d'autant de groupes différents. C'est aussi une façon c'est des résidus du sectarisme qui continue à exister très fort en Irlande du Nord. Il y a encore en Irlande du Nord des murs qui séparent les communautés. Il y a encore des émeutes à des périodes ponctuelles pendant l'année. Et donc, ils sont ancrés dans cette situation qui, elle, est très contemporaine. Donc, c'est vrai, c'est certainement vrai qu'ils regardent plutôt, ils ont tendance à regarder derrière eux, mais ils sont aussi la manifestation de quelque chose, ils apportent quelque chose, en tout cas, à un certain nombre de gens qui ne se retrouvent pas dans les institutions nouvellement créées, dans la nouvelle Irlande du Nord. Au niveau du soutien, ils sont... Alors, on a fait... Il y a eu une enquête qui a été faite à la suite des élections... je crois que c'était les élections locales en 2014, où on a demandé aux gens s'ils soutenaient les groupuscules républicains. Il y en a quand même 8% qui n'apportent pas forcément un soutien actif, mais qui comprennent. Donc, il y a une sensibilisation, c'est-à-dire qu'ils comprennent pourquoi ces groupes existent et ils comprennent leur motivation. Après, on peut aussi se demander si la question du soutien est importante. Enfin, elle est forcément importante pour qu'ils puissent survivre dans une certaine mesure, mais on parle de plus en plus d'une, alors j'arrive jamais à prononcer ce terme, détérioralisation du terrorisme. À l'image de Al-Qaïda, en fait, le soutien sur le terrain n'est plus aussi important qu'il ne l'a été dans les années 70 pour l'IRA, puisque maintenant il y a Internet. Et quand on regarde les vidéos de ces groupes, et il y en a des tonnes sur Internet, il y en a certaines qui sont vues par 12 ou 13 000 personnes. Donc ils ont une visibilité, ils ont accès à un outil. Ça ne veut pas dire que les 12 000 personnes sont des personnes qui les soutiennent, loin de là. Mais la visibilité et la capacité à développer ce message, elle existe de toute manière. Donc qu'ils soient ou bien ou pas bien implantés dans des communautés, c'est plus aussi important que ça l'a été pour l'IRA au début des années 70 et jusque dans les années 80. Et donc là, voici la liste de ces groupes, des principaux groupes, Continuity IRA, Real IRA, Oglin Aharon et le plus récent Republican Unity Network. Ce sont tous des groupes qui sont plus ou moins actifs, qui sont quand même suffisamment actifs. Par exemple, Real IRA est responsable de la bombe, enfin de l'attentat qui a fait le plus de morts en Irlande du Nord, puisque c'est eux qui ont fait exploser une bombe à Omagh, dans la ville de Omagh en 98, et qui ont fait 29 morts. Ils sont aussi responsables de l'assassinat de soldats, parfois de gardiens de prison. Ils ont essayé, les prisonniers, évidemment, il y a un certain nombre de prisonniers de ces organisations dans les prisons nord-irlandaises, ils ont essayé de trouver un soutien populaire en commençant une protestation du type de celle qui avait été entreprise par les prisonniers de l'IRA dans les années 70, c'est-à-dire une protestation, une grève de l'hygiène, une grève de la couverture, etc. Ça n'a pas pris. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils reproduisent des tactiques et que ça ne marche pas très bien. En même temps, ils ont une capacité de nuire qui est assez importante et ils sont suffisamment pris au sérieux par les services de sécurité pour qu'il y ait encore en Irlande du Nord une police qui soit largement dépendante des services secrets, puisqu'on sait que les services secrets jouent encore un rôle très important dans la police. Le MI5 est encore très présent en Irlande du Nord et ce qui justifie leur présence, c'est en grande partie l'existence de ces groupes dissidents. Alors voilà quelques graffitis qu'on peut encore trouver en Irlande du Nord. Et il y a notamment la question sur laquelle je vais revenir dans un petit moment, de des expéditions punitives. Mais ce qu'on voit là, en tout cas, c'est que c'est un combat d'un autre temps, peut-être, mais en tout cas, ça reste quelque chose qui est très prégnant dans la société nord-irlandaise. Alors, les expositions punitives, c'est quelque chose, ça fait partie du deuxième volet des questions qui restent en suspens après la disparition de l'IRA en 2005. L'IRA a été responsable pendant toute la durée du conflit d'un certain nombre de ce qu'on appelait des expéditions punitives, C'est en fait, l'IRA s'est constituée en milice qui patrouillait les quartiers dans lesquels elle était implantée et qui faisait justice, qui faisait sa propre justice avec des prétendus tribunaux populaires, des punitions qui avaient toute une graduation des punitions selon l'acte qui avait été commis, selon le crime. Et l'IRA s'est arrogé le droit de faire sa propre justice dans les quartiers. On calcule, l'IRA n'est pas la seule, les loyalistes l'ont fait aussi. Les chiffres qui sont certainement bien en deçà de la réalité parlent de 2149 personnes blessées par balles, dont certaines sont mortes, et 1328 qui ont été battues, eux aussi, parfois à mort. Donc ces expéditions punitives, évidemment, elles sont une ombre au tableau, puisque ce qui est problématique là-dedans, c'est que malgré la réforme des forces de police, qui sont devenues maintenant une force de police bien plus transparente, etc., elles continuent à avoir lieu assez régulièrement. En particulier, il y a eu un groupe qui s'appelle Direct Action Against Drugs, ça devrait être DAAD, qui est un groupe, une milice paramilitaire qui a quand même tué un certain nombre de dealers de drogue. On continue à voir une espèce de justice extrêmement expéditive dans ces quartiers-là, mais avec une certaine ambivalence de la population qui ne rejette pas entièrement ces actions parce qu'il y a encore cette espèce de conviction que c'est plus efficace. Si vous voulez vous débarrasser d'un dealer de drogue, c'est plus efficace d'aller demander à une milice de l'IRA que d'aller demander à la police. Ça va prendre du temps, il va falloir des preuves, etc. Quand vous allez voir la milice de l'IRA, elle va faire ça beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc évidemment, ça c'est un énorme problème qui reste encore très, très, très présent en Irlande du Nord et qui ajoute une tâche au tableau de la situation et en particulier de la situation de l'IRA. La question des prisonniers reste encore une question en suspens. Quand il y a eu la signature de l'accord du Vendredi Saint, l'une des clauses qui a permis à un certain nombre d'organismes de soutenir l'accord du Vendredi Saint, et au particulier au Sinn Féin, c'était que les prisonniers, à terme, seraient tous libérés. En l'an 2000. Les prisonniers dont les organisations respectaient un cessez-le-feu, et que ces prisonniers seraient réintégrés dans la vie civile. Ça a été la question la plus controversée au moment de la signature de l'accord de paix, puisque ce que ça voulait dire, c'était une amnistie qui concernait certains hommes et certaines femmes qui avaient commis des crimes, qui étaient emprisonnés pour des peines allant jusqu'à 30 ou 40 ans, des peines de prison à vie, etc. Donc ça posait un problème éthique énorme, mais c'était aussi la condition sine qua non pour aller de l'avant. Donc cette clause qui a été très très très controversée a été mise en vigueur, et en 2000, les prisonniers dont les organisations étaient respectées un cessez-le-feu ont été libérés, ce qui fait 447 prisonniers libérés en 2000, et par la suite d'autres organismes comme des organismes loyalistes et d'autres groupes paramilitaires républicains ont déclaré des cessez-le-feu et leurs prisonniers ont été libérés. Ça pose la question de la réinsertion de ces hommes. Il y a quelques femmes, mais c'est surtout des hommes. Elle est bien plus problématique du côté loyaliste. Ça a posé la question de la récidive. Beaucoup de ces hommes qui sortaient de prison, surtout du côté loyaliste, se sont installés dans les crimes organisés. Donc c'était une solution qui n'en était pas une, parce qu'on a libéré des prisonniers qui après sont allés, reconvertis au crime organisé, etc. Du côté républicain, ces prisonniers se sont bien mieux réinsérés parce que ils ont toujours été beaucoup mieux acceptés par leur communauté. Il y a toujours eu un encadrement des prisonniers républicains, des organismes de soutien qui ont toujours été très actifs. Et l'une des façons dont ils se sont réinsérés, c'est par la création d'un groupe, alors par l'entremise d'un groupe de soutien aux prisonniers politiques. Ils ont développé tout un réseau de tourisme noir, c'est-à-dire tout ce tourisme des lieux de conflit, le tourisme génocidaire, etc. Et ils sont devenus des spécialistes. Ils sont recensés sur tous les sites touristiques, de TripAdvisor à l'office de tourisme de Belfast, etc. Ils sont recensés comme étant parmi les meilleurs guides touristiques du conflit. Donc on peut aller maintenant à Belfast, à Derry, dans la prison de Lancashire où il y avait eu les grèves de la faim, et visiter les sites, les hauts lieux du conflit des 30 dernières années avec un guide qui est un ancien prisonnier. Et c'est ça qui fait leur principal point de vente, argument de vente, c'est que ce sont des anciens prisonniers. Et effectivement, moi je l'ai fait l'année dernière à Belfast, c'est un ancien prisonnier. Et c'est là qu'on mesure, quand on visite Belfast avec un homme qui a passé 20 ans, cet homme-là il avait passé 20 ans en prison, à quel point c'est pas fini. Il y a quelque chose là encore de très douloureux, il y a une espèce de regard tout le temps vers le passé, vers un passé, il y a quelque chose qui n'est pas fini pour eux. Ils ont lutté, ils ont consacré une partie de leur vie à lutter pour un objectif qui était la réunification. C'est pas du tout ça qu'ils ont. Par contre, ils continuent à vivre dans des quartiers qui sont encore relativement défavorisés. Il y a de la pauvreté, il y a du chômage. Donc on sent, chez cet homme-là en tout cas, on sentait une certaine nostalgie pour le passé et puis une certaine frustration avec le présent. Qu'est-ce que ça a changé pour nous ? Bah, pas grand-chose. On a suivi le mouvement parce qu'on n'a pas pu faire autrement, mais en même temps on sent effectivement une ambivalence dans leur discours par rapport à ce que le processus de paix leur a apporté. Quant à la question des blocs H, donc ça c'est la prison dans laquelle ont été emprisonnés les loyalistes et les paramilitaires, la prison de haute sécurité la plus performante de toute l'Europe, qui a fermé ses portes en 2000, quand les prisonniers ont pratiquement tous été libérés, et qui a maintenant un lieu un peu désaffecté, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça couvre une énorme surface au sud de Dublin. Il y a eu tout un tas de commissions d'experts qui se sont réunies pour savoir que faire de ce lieu. On a parlé à un moment d'en faire un centre d'études du conflit. Les projets sont allés assez loin, il y a eu des concours qui ont impliqué un certain nombre de cabinets d'architectes qui ont proposé des lieux absolument luxueux, et puis il y aurait eu un centre commercial à côté, etc. Pour l'instant tout ça c'est bloqué parce que il y a une vraie question autour du symbole de ces prisons. Si on fait dans cette prison qui est le symbole des martyrs contemporains de l'IRA, les grévistes de la faim, si on en fait un lieu de résolution du conflit, on en fait aussi, d'après certains en tout cas, une espèce de culte aux martyrs de l'IRA, et évidemment ça ne plaît pas. Donc pour l'instant ce lieu reste en friche pour l'instant en tout cas. Autre sujet très compliqué, très douloureux pour le Sinn Féin, c'est toutes les affaires qui ressortent, qui ont été tenues, maintenues sous le sceau du plus grand secret pendant des années, sur des exactions de membres individuels de l'IRA, mais qui ont été couvertes par l'IRA. Alors, on pense notamment au viol d'une jeune femme à l'époque, à la fin des années 90, une femme qui s'appelle Mariah Cahill, et qui a été violée par un membre de l'IRA, et son violeur, donc elle est allée, elle avait la chance, entre guillemets, d'être la nièce d'un des parrains de l'IRA, qui s'appelait Joe Carroll, qui est une figure historique, c'est un vétéran, il est mort maintenant, mais c'était un petit peu comme le parrain, dans le sens pas mafieux du terme, mais un petit peu la caution, la vieille garde de l'IRA, mais qui avait une influence énorme sur le mouvement. Et cette jeune femme, à l'époque, est allée voir des représentants de l'IRA pour leur demander « Mais qu'est-ce que vous allez faire ?» Et donc, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils auraient fait dans d'autres cas aussi, c'est qu'ils ont exilé le violeur. C'est-à-dire qu'ils lui ont demandé de quitter l'Irlande du Nord. Il y en a certains qui sont partis en République, d'autres qui ont été exilés dans d'autres endroits. Mais enfin, c'était très compliqué, puisqu'en fait c'était une façon de ne pas de couvrir le scandale, de ne pas vouloir que ça éclate au grand jour. Et puis aussi, ils ont fait ce qu'on a accusé l'Église catholique de faire avec tous les scandales d'abus sexuels, etc., c'est-à-dire déplacer le problème sans vouloir vraiment pousser la question un peu plus loin. Donc quand cette question est sortie, elle a été accompagnée d'un certain nombre d'autres accusations qui ont été portées contre des membres individuels de l'IRA. Donc c'est pas elle avait la chance de pouvoir parler. Il y a eu la question de la nièce de Gerry Adams, qui est quand même président du Sinn Féin. La nièce de Gerry Adams a révélé qu'elle avait été violée par son père. Donc c'était pas un membre de l'IRA. C'était un sympathisant, mais enfin son père l'a violée pendant des années, et Gerry Adams était au courant. Et le problème, c'est que c'était dans les années à la fin des années 80-90. Lui, le leader d'un parti soutenant l'IRA, etc., pouvait difficilement lui dire d'aller à la police, puisque la police était considérée comme étant l'ennemi des républicains. Il lui aurait conseillé d'aller voir la police. Toujours est-il qu'elle est allée voir la police et que la police ne s'est pas beaucoup intéressée à son histoire. Par contre, ils ont essayé de la recruter comme agente pour donner des informations sur l'IRA. Donc tout ça donne un petit peu la mesure de la complexité de ces situations. Gerry Adams a fini par être arrêté en 2015 pour une autre affaire en mars de cette année. Je crois que c'était cette année. C'était peut-être l'année dernière, je crois que c'était cette année. Et ce qui a donné lieu à tout un tas de... Enfin, il a été maintenu en garde à vue. Il n'a pas été arrêté, il a été détenu en garde à vue par la police nord-irlandaise pour rendre compte d'un autre cas dont je vais brièvement parler. Et là, ce que vous voyez, c'est cette espèce de dichotomie qui continue à être très présente en Irlande du Nord. D'un côté... on continue à manifester son soutien pour un homme qu'on voit comme celui qui a rendu la paix possible, le dirigeant pacifiste, etc. Et d'un autre côté, vous voyez la même peinture murale, mais qui a été détournée. Et là, on voit qu'il est devenu le protecteur des pédophiles et un meurtrier. Donc, il reste encore une figure, lui et le reste des hommes politiques du Sinn Féin, restent encore des figures extrêmement polémiques. Autre dossier en instance, tous ces hommes, c'est pratiquement que des hommes, qui n'ont jamais été capturés. Donc, qui pendant le conflit ont réussi à s'échapper, soit en République, soit ailleurs. On connaît leur identité, on sait qui c'est. On les appelle les on the run, ceux qui sont en cavale. Et on sait aussi que ces hommes, je crois qu'il y a peut-être une femme, mais c'est pratiquement que des hommes, ne seront jamais traduits en justice parce qu'il y a eu une amnistie. Et ça pose aussi des questions éthiques importante, puisque l'amnistie concernait des hommes et des femmes qui avaient été jugés par un tribunal, qui avaient eu des peines de prison et qu'après il y a eu une amnistie. Ces gens-là ne seront jamais traduits en justice, n'auront jamais de compte à rendre sur ce qu'ils ont fait pendant le conflit. Et ça, c'est un énorme problème pour les unionistes en particulier, et c'est un problème sur lequel... Qui ressort de temps en temps et sur lequel le discours du Sinn Féin, c'est de dire c'est beaucoup trop... puisqu'il y a eu une amnistie, ça concerne tous les anciens combattants, y compris ceux-là. Donc, encore un problème. Pour finir, je voudrais juste très rapidement parler de l'ascension politique du Sinn Féin. Donc ça, c'est ce qui a rendu possible le départ du l'IRA, le fait que l'IRA quitte la scène en tout cas momentanément jusqu'à récemment. Ce qu'on voit ici, c'est le tableau de l'évolution de la vie politique et des partis politiques en Irlande du Nord. Et ce que vous voyez en vert, c'est évidemment en vert sombre, c'est l'évolution du Sinn Féin, qui est quand même très remarquable. On voit qu'ils partent de rien, pratiquement, jusqu'aux années 80, où ils commencent à présenter des candidats. Et on voit en 2005 qu'ils sont... Ils ont largement dépassé leurs concurrents nationalistes et qui sont bien assis, même si il peut arriver, par exemple, aux dernières élections législatives britanniques, ils ont perdu un siège. Ils ont une assise qui est suffisamment confortable pour que ça ne soit pas forcément le signe de leur déclin, etc. On pense qu'ils sont à peu près à 20... sur c'est le deuxième parti politique en Irlande du Nord, ils ont à peu près... 26% des voix aux élections depuis un certain nombre d'années. Il n'y a pas beaucoup de raisons que ce taux de soutien diminue dans les années à venir. Donc ils sont très installés, ils sont très assis, et ça c'est l'une des conséquences majeures du processus de paix, puisque c'est une reconfiguration totale du paysage politique nord-irlandais. Là, ce que vous voyez, c'est le premier gouvernement de coalition entre les deux frères ennemis de la politique irlandaise, nord-irlandaise. D'un côté, Ian Paisley, et de l'autre côté, Martin McGuinness, qu'on a appelé les Chuckle Brothers, parce que ça convenait aux médias. C'était une façon un petit peu facile de symboliser la réconciliation des frères ennemis, un petit peu les frères sourires. C'est deux surfaces uniquement, parce que Ian Paisley, il est mort par la suite, mais les relations entre les membres de la coalition gouvernement sont extrêmement complexes. Une autre image symbolique du progrès absolument énorme qui a été fait dans ce processus de paix, c'est que là, vous voyez Martin McGuinness qui serre la main de la reine d'Angleterre. Le symbole est absolument énorme, puisque depuis des générations, l'IRA s'est battue contre la couronne britannique. Donc le fait qu'un représentant du Sinn Féin, un ancien membre de l'IRA, un ancien dirigeant de l'IRA, serre la main de la reine, le chemin parcouru est absolument énorme. C'est pas très étonnant que ceux qui rejoignent les rangs des dissidents crient à la trahison quand ils voient ça. Ils peuvent pas avaler ça, ça va beaucoup trop vite et beaucoup trop loin pour un certain nombre de gens. Pour finir, en République, même scénario. Depuis que l'IRA a quitté la scène, on voit une ascension assez fulgurante du Sinn Féin, bien plus impressionnante qu'en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, ils sont partis de 10% en 80 à 26%. En République, ils sont partis de 0,8% dans les années 80 et ils sont maintenant à 21%. C'est énorme. En termes, en tout cas, d'ascension et de progrès politique, c'est absolument... ils sont parfois dans les sondages d'opinion, ils sont considérés comme le troisième parti politique en Irlande, parfois même le deuxième. Ils sont donc il y a le parti politique qui reste le favori des sondages malgré la crise économique, l'austérité, c'est le Fine Gael, et ils sont talonnés parfois par le Sinn Féin. Et ça, c'est un scénario qui aurait été impensable il y a même 15 ans. C'est le scénario cauchemar pour beaucoup d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques en Irlande, parce que pour eux, imaginer une coalition avec le Sinn Féin, c'est impensable. Il y a une espèce de répugnance à partager un gouvernement, quel qu'il soit, avec le Sinn Féin. Or, il est fort possible, en tout cas, c'est dans les possibilités que ce scénario se matérialise en 2016 aux élections, si le Sinn Féin continue à maintenir un taux de soutien d'à peu près 21%. Ils se présentent comme le parti de toute l'Irlande, donc c'est le seul parti, disent-ils, qui soit organisé des deux côtés de la frontière, ce qui leur pose des problèmes très complexes, puisqu'ils sont au gouvernement d'un côté et dans l'opposition de l'autre. Donc, dans l'opposition, ils sont le parti anti-austérité. Au gouvernement, ils sont le parti qui sont censés appliquer l'austérité. Donc, il y a une espèce de schizophrénie qui est extrêmement complexe, qui explique en grande partie la suspension des institutions actuelles en Irlande du Nord. Il n'y a plus de gouvernement, en partie à cause de la question de l'IRA, mais surtout à cause de questions budgétaires. Le Sinn Féin refuse d'accepter le budget que lui impose la Grande-Bretagne, parce que ça voudrait dire des coupes sombres dans les budgets de l'État, en particulier dans toutes les subventions, les allocations familiales, etc. Or, il ne peut pas d'un côté appliquer l'austérité et de l'autre côté faire campagne contre l'austérité. Donc il y a cette espèce de schizophrénie qui s'installe et qui est peut-être le défi le plus important pour le parti, c'est comment faire pour équilibrer les deux. Il n'est plus le seul parti anti-austérité et de toute l'Irlande, puisque maintenant il est concurrencé par une autre formation politique qui s'appelait Anti-Austerity Alliance et qui s'est regroupé avec un autre parti anti-austérité et qui est lui aussi organisé des deux côtés de la frontière. Donc le Sinn Féin, il risque de se faire rattraper par sa gauche, ce qui est très compliqué pour lui, puisqu'il se présente comme le parti de gauche, le parti anti-austérité, qui soutient Syriza, qui soutient Podemos, qui soutient toutes les causes anti-austérité dans toute l'Europe, qui a une représentation au Parlement européen et qui est évidemment avec les députés de gauche européens. Donc tout ça fait que le paysage politique dans lequel il se trouve actuellement est extrêmement complexe et extrêmement délicat. Et le problème est rendu d'autant plus compliqué que les dirigeants du Sinn Féin sont vieillissants. Ce sont des hommes qui sont là depuis les années 70. Donc il y a une certaine usure par rapport à ce qu'ils peuvent apporter comme renouveau à la politique irlandaise et nord-irlandaise. Que ceux qui sont les plus ardents sympathisants des groupes dissidents en Irlande du Nord, ce sont des très jeunes. Donc il y a un problème de renouvellement de la classe politique au sein du Sinn Féin. Mais pour conclure, ils sont quand même suffisamment malins pour savoir où il faut être et à quel moment, et pour épouser toutes les causes populaires. Et ils ont évidemment, comme tous les partis irlandais, ils ont militer pour le droit au mariage pour tous lors du référendum de mai dernier. Et je vous laisse avec cette photo où Gerry Adams ne rate jamais une occasion de se faire photographier. Et là, vous le voyez photographié avec le symbole de la communauté homosexuelle en Irlande. C'est Miss Prunty, qui est un travesti. Très célèbre, très drôle et très très très politique, et qui a été un petit peu l'effigie, l'une des figures de proue du mouvement pour l'émancipation des homosexuels récemment. Et là, on le voit photographié le jour de l'annonce des résultats du référendum, qui est passé à 62%, donc c'était un très joli résultat. Il fait très beau. Et là, vous voyez, donc Miss Panty, il est interviewé par toutes les chaînes de télévision du monde entier. Et Gerry Adams, il a très bien su se placer, puisqu'il s'est mis au premier plan. Et ça a permis à Miss Panty de le demander en mariage devant toutes les caméras. Donc ça a beaucoup fait sourire. Mais en tout cas, ils savent encore saisir l'occasion, même si on peut peut-être les soupçonner un petit peu d'opportunisme dans ce cas-là. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, depuis quand je m'arrête, vous auriez dû m'arrêter avant. Non. J'ai pas vu l'heure. Donc voilà, il nous reste 20 minutes pour discuter. Donc, je ne vais pas ouvrir la marche parce que moi, il faut que j'aille téléphoner.